Très bien. Est-ce que vous pourriez tous les deux vous présenter l'un après l'autre? Ce serait cool, pas en même temps, pour que... Garder de la cohésion, tout ça. Exactement. Moi, c'est Robin, je suis le chanteur du groupe Centenary Oak. Très bien, bonjour Robin. Et moi, c'est Julien, je suis le guitariste soliste du groupe Centenary Oak. Très bien. C'est un groupe qui a combien de temps? Ça fait combien de temps que vous produisez? Ça fait deux ans que le groupe existe. Oui, il a été créé en décembre 2013. Très précis. Yes. C'est un cadeau de Noël peut-être, non? On a recruté dans... Non, j'ai... Mais il a mis un petit peu de temps à démarrer. On a peiné à trouver un batteur. Ouais. Qu'on va reperdre d'ailleurs. Donc au passage, voilà. Si jamais vous êtes batteur et que vous aimez le power metal, venez. Ah, donc voilà, venez. Tu sautes la question que j'allais te poser. C'est quoi comme style un petit peu que vous faites, hein? Ah voilà, c'est... Il vient de le dire. C'est power metal. Enfin, c'est... Héroïque. Speed metal, c'est tout ce délire metal nordique, tout ce qui vient de Finlande, des trucs comme ça. Donc avec des références comme Stratovarius, Sonata Arctica, Gloryhammer. Et pourquoi ce... Du bien kitsch. C'est quoi, il vient d'où ce choix? Alors j'imagine que c'est un style que vous affectionnez, hein, forcément. Oui, mais, oui. Déjà de base. En fait, le truc, c'est que on a beaucoup parlé avec les membres du groupe, et puis du coup, on s'est dit que créer une histoire, créer des personnages, des êtres imaginaires, etc., être un peu dans notre délire, etc. Déjà, ça pouvait. Déjà, on était dans notre délire, donc c'était vraiment cool. Et je pense que ça plaît bien, en fait, le fait de... Parce qu'on ne fait vraiment pas comme tout le monde, on est vraiment dans notre univers. Alors tu peux peut-être un peu expliquer justement, peut en venir dessus. Là, je laisse le chanteur, c'est lui qui a tout créé de A à Z. Raconte-nous un petit peu alors, justement. Et à la base, en fait, moi, ce que je voulais faire, c'était écrire un space opéra dans le délire. Qu'est-ce qu'un space opéra? Exactement, qu'est-ce qu'un space opéra? Tu vois Star Wars? Ouais. Pareil, mais avec plein de musique. Voilà. En gros, c'est un univers un peu science-fiction. Voilà, c'est le. On a mélangé, en fait, on a essayé de mélanger l'univers science-fiction et heroic fantasy. Mm-hmm. Du coup, on est parti sur un truc. Ouais, notre histoire a vraiment pris de l'ampleur par rapport à ce à quoi je pensais au départ. Mmh. Pour vous la résumer en quelques mots, il y a un empire galactique, ouais, qui est envahi par un sorcier maléfique. Mmh. Et le grand héros qui est incarné par Julien ici présent doit partir et voyager à travers la galaxie pour réunir les plus grands héros de la galaxie et sauver l'univers. D'accord, tout bêtement. Voilà. Et tout ça avec des licornes cyborgs, des dragons mécaniques, des princesses. Et les princesses. C'était vous alors les licornes, la dernière édition, on m'avait parlé de fanboys qui sont venus en licorne. Oh non, OMG. C'est propre, c'est... Ah. Alors notre... Coucou! Ah non, c'est pas pour nous. C'était pas pour nous. Bon, c'est pas grave. Notre tout premier concert, oui, on était aiguisés en licorne, faute de budget pour les tenues de scène. Ouais. Voilà. Du coup, on s'est tous mis d'accord, tous en licorne. On a fait un peu un coup d'état, hein, je peux dire. Voilà. Tout le monde a entendu parler de nous. Et depuis, on a un petit peu. On a un peu changé de tenue de scène, on s'est plus approprié le truc, on a eu le temps, on a eu le budget, etc. Donc voilà, on sera tous déguisés. Très bien. Et vous avez quoi un petit peu comme pour le groupe, comme ambition? Vous faites juste ça entre potes pour s'amuser, ou vous avez vraiment des envies de quelque chose, de carrière musicale? Comment ça se passe? Non, ça dépend de chacun. Moi, je veux en faire mon métier. Je viens de terminer ma formation à Tous en scène. Donc, là, je vais passer le MIMA très bientôt. Mm-hmm. Donc vraiment, moi, mon but, c'est de finir chanteur professionnel, ouais, être intermittent, quoi. Mm-hmm. Donc ouais, si je pouvais en vivre de ce projet, ça serait super. Mais ça ne concerne que moi. Je partage son avis sur le fait que c'est bien aussi de faire ça pour la déconnade, mais ce qui serait vraiment cool, c'est de pouvoir gravir les échelons et d'essayer d'en vivre, mm-hmm, même si ça reste relativement complexe. Ouais. D'essayer d'en vivre et toujours dans la déconnade et quand même ramasser le plus de monde qui s'éclate et qui... J'ai juste un rêve, moi, c'est qu'ils chantent mes compos, que le public chante au moins le refrain d'une de mes compos. Voilà, j'ai juste ça. Ouais. Je veux juste attendre ça, après on verra. Peut-être une cadiaque. Voilà. Mais... Quand on parle de public, on ne parle pas d'Empire of Kane, évidemment. Non, oui, bien sûr. Ni des parents. Justement, vous avez la possibilité déjà d'un petit peu vous produire en concert ou sur des événements, ou c'est les rencontres de musique actuelle, donc qui est la deuxième édition, c'est la deuxième fois où vous participez, enfin, ou la deuxième fois où vous produisez sur scène. Ou alors vous avez déjà eu d'autres C'est la troisième fois qu'on se produit sur scène au complet. Ouais. Et sinon, on a fait quelques sessions acoustiques, mais ouais, c'est encore tout frais pour nous en fait, la scène. Oui. On a fait le Tour Metal Week, 3 mai. On a joué au Buck Mulligans. C'était en session acoustique aussi, mais après, oui, vraiment. Ça démarre doucement, quoi. Ouais. Des envies de sortir un jour une petite galette, quelque chose, un petit disque ou Déjà fait, voilà. Ouais. On a brûlé les étapes en fait avant de commencer à jouer. On a sorti un EP. Il y a des t-shirts qui sont disponibles, il y a des mugs, il y a des badges. Ouais. Vous avez tout claqué là-dedans, vous avez acheté des costumes, voilà. Exactement. Et ouais, il est sorti il y a quoi, il y a 3 semaines maintenant, 3-4 semaines. Ouais. Et il en reste combien? 5, une dizaine? Ouais. Entre 5 et 10. Sur une base de combien? Base de 50. Et vous les avez écoulés par quel biais? Faites ça ou par laisser les potes. Alors déjà, en fait, on avait fait un projet de financement sur Kiss Kiss Bank. Et du coup, déjà, on devait remplir les contreparties. C'est-à-dire qu'une personne donne, par exemple, imaginons, je dis n'importe quoi, 50 euros. Bah là, en contrepartie, vu qu'elle a donné un t-shirt et un EP, ouais, par exemple. Du coup, on devait déjà remplir ça en Kiss Kiss Bank Bank. Et après, ça s'est fait par les liens familiaux. Rob a déposé le CD à Tous en Scène. Ça ne servait à rien en fait. Et après, c'est le bouche à oreille en fait qui a fait. Il y a plusieurs potes voilà, qui ont pris l'EP. Et donc, ça s'est écoulé plutôt rapidement. Bon, parfait. Ouais. Et les déposer à 60 cents, ça ne servait pas à grand chose. Hein. Bah, côté DAO. Côté DAO, de Chronos, Roman Rousin, tout ça. Bon. On fait un tout petit peu amateur. Ah, on passait pour des tapettes, c'est sûr. Mais il y a un début à tout, voilà. Clairement. Non, c'est très bien. C'est cool. Non, mais oui, c'était. Et on aura le droit à une petite démo. Normalement, ouais. A priori, alors. Je suis assez curieuse. Là, il y a les balances qui vont se faire. Vous les faites ou pas? Déjà fait, vous. Tout est réglé. Et vous produisez à quelle heure ce soir? Vous savez? On a 22h. À une vache près, ouais. 22h. Ouais, à peu près. Bon, bah nickel. Un dernier petit mot? Un coucou à maman, papa? un bonjour aux chiens de la famille? J'ai pas de chien. Fromage de chèvre? Fromage de chèvre, ouais. T'en penses quoi, toi? Mécréant. Moi, je suis plutôt vaseline. Karen? Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Je elle a pas d'avis. À ce moment-là, Camoulox. Exactement. On a gagné. Merci bien. Merci. Au revoir.